s'exprime sur Fadjet, présenté par l'association Coexister Nancy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre émission Coexprime qui est animée par l'association Coexister. Moi c'est Éléonore et on est en présence d'Audrey et Alan pour cette émission. Donc aujourd'hui on va vous parler de la laïcité et de ce que c'est la coexistence active, c'est-à-dire comment on arrive à vivre ensemble dans un pays qui est la France, qui est sous la laïcité, avec du coup beaucoup de gens de convictions différentes, de convictions religieuses différentes, comment on peut vivre ensemble. Pour ça, on va d'abord vous parler de ce que c'est la laïcité finalement, qu'est-ce que c'est son histoire et comment ça se traduit en France. Coexprime sur Fadjet, animé par l'association Coexister Nancy. Donc la laïcité, elle est basée sur quatre piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la neutralité. Alan va vous en parler un peu plus. Oui, la neutralité en France, c'est l'absence d'intervention de l'Église dans les affaires de l'État et de l'État dans les affaires de l'Église. Les deux sont indépendants et n'ont pas d'intervention dans les aspects des deux parties. La séparation, donc c'est ce que Alan vient de dire, c'est-à-dire la séparation des Églises et de l'État, et ensuite, du coup, il en découle la neutralité. La neutralité, du coup, c'est le fait de dire, puisque la séparation est là, donc les intervenants, enfin les représentants de l'État, eux, sont censés être neutres. Puisqu'ils sont séparés de l'Église, ils ne doivent pas montrer leur religion, ils ne doivent pas porter de signes. Le président de la République, par exemple, il ne peut pas venir avec une croix autour du cou, etc., parce qu'il est neutre. Tous les représentants de l'État doivent être neutres. Donc les enseignants aussi doivent être neutres, les policiers, etc. Ils n'ont pas à montrer leur religion. En contrepartie, du coup, il y a la liberté de tous les citoyens, citoyennes. Donc, Audrey. Oui, donc la liberté, effectivement, c'est tout simplement la liberté de croire et de pratiquer le culte, donc la religion ou la conviction que l'on souhaite, sans avoir de pression ni d'avoir de contraintes particulières. Et grâce à cette liberté, on a aussi l'égalité. L'égalité, ça découle également de cette liberté de culte. En fait, c'est ce qui permet aux citoyens d'être tous égaux devant la loi, devant la justice, peu importe leur croyance, peu importe leur conviction ou leur religion. Voilà, donc par exemple, on ne peut pas être jugé différemment parce qu'on est juif ou parce qu'on est musulman. Et si on a une différence de traitement, c'est ce qui s'appelle une discrimination. Ce qui est important de noter, c'est que vraiment cette laïcité-là, c'est ce qui nous permet d'être libres tous, de croire, de ne pas croire, de montrer notre religion dans la rue. Si on se balade avec un voile ou avec une croix autour du cou, on est tout à fait dans nos droits. À partir du moment où on n'est pas représentant de l'État, on a tout à fait le droit d'exprimer notre religion ou notre athéisme si on n'est pas religieux. Du coup, aujourd'hui, la laïcité, ça permet qu'en France, on a toute une diversité de convictions religieuses et non religieuses. On a beaucoup de musulmans, beaucoup de personnes chrétiennes, de juifs, de personnes athées. On a aussi d'autres religions. On a par exemple Audrey qui est avec nous, qui est bouddhiste. Donc voilà, il y a toute une diversité de religions en France. Et nous, ce qu'on défend à coexister, c'est que cette diversité-là, c'est une force. Mais il y a parfois des conflits qui sont liés à ces tensions, puisque les différentes personnes pensent différemment. Les différentes convictions ont parfois des valeurs qui peuvent se confronter. Et du coup, nous, aujourd'hui, on est venu vous parler pour vous présenter la vision de coexister de comment on peut vivre ensemble, malgré ou grâce à ces différences. En fait, face à ces différentes convictions, on a plusieurs manières de réagir. Il y a un modèle que coexister présente qui est comment doser l'altérité et l'identité. Chacun peut être libre d'exprimer son identité. Et chacun peut aussi faire attention aux autres, et donc ça c'est l'altérité, laisser passer les autres avant soi d'une certaine manière. Et selon comment on dose l'altérité et l'identité, on peut se trouver dans différentes situations. Donc la première par exemple, c'est privilégier l'identité, et du coup laisser de côté l'altérité. Donc mettre en valeur sa personne, dire bah voilà, moi je vis de cette manière-là, et j'impose finalement ma manière de penser. Dans cette situation-là, on va arriver à ce qui s'appelle le choc des civilisations. Peut-être qu'Audrey, tu veux un peu expliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça provoque? Du coup, en essayant d'écraser éventuellement d'autres identités, et en fait, c'est ce qui mène au conflit parce que, à force de vouloir exprimer son identité, on ne laisse pas la place aux autres et on n'est plus du tout dans l'altérité. Voilà, donc ça, c'est un extrême. Il y a une autre solution, c'est du coup de diminuer l'altérité et l'identité à la fois. Donc là, c'est ce qui va mener au choc de l'ignorance, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut chez soi, chacun reste chez soi et on ignore les autres. Alan, est-ce que toi tu veux expliquer ce que ça peut provoquer comme problème, le choc de l'ignorance ? On peut avoir par exemple deux communautés qui vont finalement rester chacune de leur côté et ne jamais interagir l'une avec l'autre. Les deux communautés vont complètement s'ignorer et à la moindre compréhension entre les deux communautés, elles pourraient éventuellement entrer en différend l'une avec l'autre. Exactement. Comme on se renferme finalement, ça va aussi provoquer beaucoup de préjugés puisqu'on n'apprend pas à connaître l'autre et du coup on a des images préconçues des autres en disant bah eux ils sont différents de moi. Donc comme l'a très bien dit Alan, à la moindre rencontre ça peut partir en conflit parce qu'on ne comprend pas l'autre. L'autre possibilité c'est du coup de favoriser l'altérité et de mettre de côté notre identité. Là on va aller vers ce qui s'appelle le choc de l'assimilation. Est-ce que Audrey tu veux expliquer un peu ce choc-là ? Alors, le choc de l'assimilation, ce qui est un petit peu dommage avec ce choc-là, en fait, c'est qu'on va avoir une personne qui va complètement cacher son identité pour s'adapter à l'autre. Par exemple, une personne qui est végétarienne et qui voudrait aller manger avec une personne qui, elle, mange de la viande, cette personne-là va complètement cacher son identité végétarienne pour pouvoir aller manger avec une personne qui mange de la viande. Et du coup, finalement, elle s'efface complètement. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on ne crée pas un vrai dialogue, un vrai partage, puisque une des deux identités est finalement effacée. Voilà, donc ça peut mener à un mal-être chez certaines personnes. Et puis, à force de prendre sur soi aussi, c'est peut-être pas forcément possible. Ça peut provoquer de la colère et finalement, là encore, mener au conflit. Donc, face à ces trois solutions-là, qui ne sont pas forcément toutes idéales, qui présentent chacun leur problématique, Coexister propose une dernière solution qui s'appelle la coexistence active, c'est d'équilibrer l'altérité et l'identité, faire valoir les deux. Donc, on va vous en parler un peu plus de comment mettre ça en place, et juste avant, on va vous faire une petite pause musicale. Alors, on va vous donner l'hymne de Coexister, c'est Soprano, Cosmo de Soprano, qui montre qu'on peut vivre ensemble tel qu'on est. Où sont les filles, les femmes au tempérament de guerrière? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires. Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires? Les bobos, les mecs en survêtement, les intellos, les mecs en fumette. Où sont les quartiers, les blocs, les HLM mis de côté? Les résidences, les quartiers UP, les 205, les Audi TT. Où sont les plaques, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges et les gris? Quoi des amalgames politiques, bienvenue en cosmopolitanie. Oui, montre-moi comme tu es. 30, Coexprime sur Fadjet, animé par l'association Coexister Nancy. On est de retour sur l'émission Coexprime avec l'association Coexister pour vous parler de comment vivre avec beaucoup de différences de culture et de religion en France grâce à la laïcité et à la coexistence active. Donc on va vous présenter maintenant les événements que Coexister met en place pour réussir à coexister. Alan, est-ce que tu peux nous présenter les différents événements qu'on met en place ? Oui, je peux commencer par le dialogue. Alors le dialogue, c'est avant tout en général des cafés-débats qu'on organise. Ça peut être sur des thèmes variés, toujours en lien avec les convictions de chacun et de chacune. Par exemple, on peut faire des cafés-débats sur handicap et conviction. C'en est un qui est d'ailleurs prévu en décembre. On en fait également sur la sexualité et les convictions. On fait également des cafés-débats sur le bien-être animal et les convictions. Donc à chacun de ces événements, on invite généralement un intervenant extérieur qui vient développer son sujet, qui est ensuite débattu avec les différentes personnes qui ont souhaité venir. Généralement, on est toujours avec une bouddhiste. On est généralement aussi avec des chrétiens et des athées. On serait ravis de pouvoir compter parmi nous des chrétiens ou même des musulmans. Et du coup, ces événements de dialogue, leur avantage, c'est qu'on est vraiment dans un cadre de respect, de bienveillance. Et du coup, leur avantage, c'est qu'on puisse s'exprimer librement tel qu'on est, s'écouter. Et ça permet du coup de comprendre les autres, d'apprendre à mieux se connaître, à mieux comprendre comment l'autre fonctionne. Et ça permet du coup de rencontrer des jeunes de différentes convictions et de casser nos préjugés finalement. On a un autre pôle aussi, qui est la solidarité. Est-ce que Audrey, tu veux les présenter ? Oui, alors le pôle solidarité, finalement, c'est assez simple. En fait, on se met en partenariat avec différentes associations. Ça peut être, par exemple, le Secours catholique, le Secours populaire, pour faire, par exemple, des maraudes à destination des personnes qui sont sans-abri. Ça peut être aussi souvent l'établissement du sang, pour faire des dons du sang. Notre fondateur ayant dit que lui, il voulait faire couler le sang, non pas pour la guerre, mais pour la paix. Les dons du sang, en fait, c'est très symbolique. Ça rejoint cette petite anecdote de notre fondateur. Et on aime bien se mettre en partenariat avec des assos. Ça nous permet aussi, nous, en tant que coexistants, d'aller découvrir d'autres associations, voir ce qu'elles font un petit peu. Et donc l'avantage ici, c'est qu'on va vraiment agir pour la société tous ensemble, grâce à nos différences, une fois qu'on s'est rencontrés aux événements de dialogue. On agit ensemble puisque, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est peu importe les croyances et les convictions, ce qui nous rassemble, c'est toujours cette envie de vivre mieux ensemble et d'agir pour la société. Et enfin, le dernier pôle d'action qu'on mène, c'est des actions de sensibilisation. Est-ce que, Alan, tu veux en parler ? Oui, bien sûr, les actions de sensibilisation, c'est généralement une équipe de 2 à 3 personnes qui se rendent dans des collèges, lycées ou écoles et qui... par le fruit de son expérience et de son vécu, essaye d'expliquer aux jeunes ce qu'est la laïcité, ce qu'est le vivre ensemble et comment on peut faire en sorte que ce soit deux notions qui prennent vie concrètement et qui ne soient pas simplement des vues de l'esprit. Exactement. Par exemple, du coup, Audrey, tu as fait une sensibilisation hier. Est-ce que tu veux nous en parler ? Comment tu l'as vécu et comment ça s'est passé ? Oui, je peux vous en parler avec plaisir. Donc hier, effectivement, j'étais à Metz et on était dans un établissement professionnel. On a sensibilisé plusieurs classes. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant de se retrouver devant tout ce monde, mais c'est toujours très plaisant parce que le fait de pouvoir parler de laïcité, de pouvoir parler de vivre ensemble avec autant de liberté, c'est toujours très agréable. Et surtout le fait d'avoir des réactions des jeunes, en fait, hein, du public, c'est assez plaisant également. Moi, ce que j'aime bien dans les sensis, comme on dit à coexister, donc dans les sensibilisations, c'est vraiment le fait de pouvoir s'exprimer assez librement et d'avoir une bonne interaction avec le public. Ça leur permet d'apprendre des choses, ça participe à l'éducation au vivre ensemble, et pour nous, à coexister, c'est vraiment notre raison d'être, donc c'est super important. Super. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on parle un peu plus de nous personnellement. Donc ici, on est 3 coexistants engagés à Coexister Nancy. Du coup, peut-être témoigner de notre vision des choses, de qu'est-ce que Coexister nous a apporté, pourquoi on a choisi de s'engager au sein de Coexister. Est-ce que, Alan, tu veux expliquer un peu plus ton rôle à Coexister et ce que ça t'apporte, ce pourquoi tu as voulu t'engager ? Je suis Alan, j'ai 22 ans, je suis étudiant et j'avais décidé en ce début d'année d'entamer un service civique. Alors j'avais déjà entendu parler de Coexister par le biais d'une camarade de promotion qui m'avait gentiment demandé de venir à un événement de Coexister. J'étais venu et ça m'avait plu, j'avais à cette occasion pu rencontrer Éléonore qui était service civique l'année précédente. Bon, malheureusement, j'avais pas pu l'occasion d'assister à d'autres événements physiquement car le confinement était passé par là, mais le concept me plaisait et c'est pour ça que j'avais décidé de rejoindre Coexister en tant que service civique. Bah, cette année, j'ai pu participer au comité directeur, notamment dans l'organisation de Café Débat, de cette émission de radio notamment, et également j'ai pu participer à d'autres formations à Paris qui se déroulaient généralement à Montreuil et qui permettaient d'apprendre un peu plus sur ce qu'est la laïcité et de pouvoir à son tour l'exprimer plus clairement lors de sensibilisation à des jeunes partout en France. Est-ce que Audrey, toi, tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es engagée à Coexister et ce que ça t'a apporté ? Oui, alors moi, ça va faire 3 ans que je suis à Coexister. Actuellement, je suis responsable du groupe local de Nancy. Il faut savoir qu'en fait, on a tous des responsabilités différentes dans le comité de pilotage. Moi, Coexister, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment d'aller rencontrer des gens, de découvrir aussi, hein, parce que je trouve ça très intéressant de découvrir les différentes pratiques, les différents cultes. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, de voir qu'il y a une telle diversité de cultures et de religions en France. Coexister nous donne vraiment cette chance de pouvoir découvrir, de pouvoir apprendre de l'autre, de sortir de notre zone de confort également. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît à Coexister. Eh bien, très bien. Moi, pour ma part, du coup, j'ai découvert Coexister, comme l'a dit Alan, l'année dernière, parce que je faisais un service civique. Donc, on recrute d'ailleurs toujours des services civiques à Coexister Nancy. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site des services civiques. Moi, ce que ça m'a apporté l'année dernière, c'est beaucoup de rencontres, en fait, avec des personnes qui pensaient différemment de moi. Personnellement, je suis agnostique, c'est-à-dire que je peux pas me prononcer sur l'existence ou non de Dieu. Pour moi, cette question n'a pas vraiment de sens. Et du coup, quand je suis rentrée à Coexister, déjà, je ne savais même pas ce que c'était agnostique. Donc, j'ai pu définir mon identité grâce à ces divers événements et grâce à la rencontre avec d'autres personnes qui m'ont un peu expliqué leurs convictions. Et surtout, quand je suis rentrée à Coexister, personnellement, j'avais beaucoup de préjugés et beaucoup de colère envers différentes religions. Et par la rencontre avec des personnes qui étaient super ouvertes, qui se sont confiées à moi, j'ai pu comprendre pourquoi ces personnes croyaient, pourquoi ces personnes portaient autant d'importance à leur pratique, à leur religion. Pourquoi, par exemple, en particulier, je pense à une coexistante qui m'a expliqué pourquoi elle portait le voile, ce qui pour moi paraissait un peu étrange. J'avais un peu des convictions féministes qui me disaient que c'était de la soumission, etc. Et en fait, elle m'a expliqué que pas du tout, pour elle, c'était quelque chose de très libérateur. Donc voilà, finalement, en fait, ça m'a permis de casser mes préjugés et d'avoir une vision beaucoup plus ouverte, beaucoup plus respectueuse des autres. Et grâce à ça, aujourd'hui, quand je me balade dans la rue et que je croise des personnes, plutôt que de me dire « cette personne est différente, je peux pas m'entendre avec elle », maintenant j'ai cette idée de dire « waouh, si tu penses différemment de moi, c'est génial, je vais pouvoir apprendre plein de trucs ». Donc c'est vraiment cette vision-là qui m'a permis d'adorer Coexister, de continuer mon engagement cette année en tant que bénévole. Et ce qui me pousse aussi à m'engager, c'est aussi tout ce qu'on entend en ce moment. J'ai un peu peur des visions haineuses qui se passent et que j'entends à la radio ou dans les médias. Et la vision de Coexister m'aide à me dire, en fait, on peut vivre tous ensemble, même si on pense différemment, on peut s'enrichir de nos différences. Et grâce à Coexister, on a les moyens de le mettre en place et ça marche. Donc voilà pour mon témoignage. Moi, ce que j'ajouterais juste, je pourrais rebondir sur ce que tu disais, Léonore. Effectivement, en ce moment, on vit peut-être un petit peu des fois dans un climat un petit peu de peur et avec des discours parfois, malheureusement, de haine qui sont un petit peu propagés. Et Coexister nous aide à avoir une vision différente. Et ça, c'est très important. Enfin, Léonore, tu l'as souligné, mais je pense qu'on peut en reparler rapidement. Parce que Coexister, ça nous offre un petit sas de décompression dans tout ce brouhaha un peu des fois de haine qu'on peut ressentir. Ouais, c'est super intéressant de savoir que on vient aux événements et peu importe comme on est, on sera toujours inclus, on sera toujours respecté et justement on peut expliquer notre vision des choses et parler de choses qui nous tiennent à cœur. On sera toujours accueillis dans la bienveillance et c'est vrai que c'est ça qui est très plaisant aussi à Coexister. Voilà, donc c'était tout pour notre émission. Voilà, si vous avez envie de nous rejoindre à nos événements, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux. Donc on a une page Facebook et Instagram, Coexister Nancy. Vous aurez toutes les informations des événements qui vont se produire. Et puis, on vous retrouve tout très vite pour une nouvelle émission Coexprime.